Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième numéro de cette nouvelle saison de À la rencontre d'auteurs. Souvenez-vous, le mois dernier, j'avais reçu par téléphone Laura Vaisseau qui était là pour nous parler de son ouvrage auto-édité Dessine-moi un enfant. Et aujourd'hui, pour ce quatrième numéro de cette nouvelle saison de À la rencontre d'auteurs, je reçois par téléphone à nouveau une autre romancière, Linda Da Silva, qui est là pour nous parler de son ouvrage Le souffle du bonheur, édité aux éditions Lemar. Bonjour Linda. Bonjour Christopher, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Donc avant de commencer à parler de ton ouvrage Le souffle du bonheur, je pose toujours cette même question à mes invités, et ce quelle que soit l'émission, afin que nos auditeurs et nos auditrices puissent déjà te connaître un petit peu, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Linda Da Silva, je suis auteure, mais je suis aussi, je travaille dans le marketing depuis plus de 20 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants. Voilà. D'accord. Et donc, avant de parler de ton ouvrage, je tenais à rappeler la nouveauté que j'ai mis en place le mois dernier à nos auditrices et à nos auditeurs, et du coup à toi Linda. Dans mon émission À la rencontre d'auteurs, j'ai pris la décision d'instaurer ce que j'ai appelé un joker. Le principe de ce joker est ma foi très simple. Si je pose une question qui selon toi pourrait trop spoiler l'intrigue de ton ouvrage, tu pourras utiliser ce joker, mais attention, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Donc choisis le bon moment, si jamais tu veux l'utiliser. Hein. Donc ça rajoute un petit côté ludique et je trouvais ça plutôt sympa. Donc ça te met pas trop la pression ? Un petit peu, mais je note les jokers. Ok. Donc nous allons commencer tout de suite à parler de ton ouvrage Le souffle du bonheur. Tout d'abord, contrairement à l'ouvrage du mois dernier, ton ouvrage n'est pas un ouvrage auto-édité, mais c'est un ouvrage édité aux éditions Lemar. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout à fait. Voilà. Comment as-tu trouvé cette maison d'édition ? Est-ce qu'on t'en a parlé ou est-ce que tu as fait tes recherches toi-même ? Écoute, je suis tombée dessus par hasard parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et en fait, je les voyais faire des publications sur leurs auteurs, sur leurs romans, et je trouvais qu'ils s'occupaient plutôt bien de leurs auteurs. Donc voilà, ça m'a titillé un peu et on s'est contacté après ça, mais je les ai découvert par hasard en fait sur mes réseaux sociaux. D'accord. Et comme ça, du coup, maintenant, ils ont édité ton ouvrage Le souffle du bonheur. Exactement. En fait, ils avaient déjà édité mon troisième roman qui s'appelle Poussière d'étoiles et qui est sorti l'an dernier. Donc, d'accord. C'est le premier roman qu'ils ont édité. Et là, c'est le second qu'ils m'éditent. Ouais. Ok. Et donc, la couverture de l'ouvrage dont nous parlerons juste après a été réalisée en partenariat avec la maison d'édition, ou est-ce que c'est toi qui l'a réalisé puis soumis à la maison d'édition ? Non, pas du tout en fait. Moi, c'est vraiment pas mon métier graphiste. Voilà, c'est un métier à part entière. Donc, c'est le graphiste des éditions Lemar. On a travaillé ensemble. Je les ai briefés et puis on n'a pas beaucoup discuté. Ils m'ont envoyé beaucoup de propositions. Et puis, ce qui est bien avec cette maison d'édition, c'est que voilà, ils laissent quand même le mot de la fin à l'auteur. Donc, si vraiment elle ne me plaisait pas, on l'aurait pas choisi. Donc, voilà, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a notre mot à dire. Mmh, d'accord. Et du coup, quand est-ce que cet ouvrage, Le souffle du bonheur, a été publié ? Alors, bah, c'est une avant-première, en fait, il est sorti en numérique la semaine dernière, mais il ne sort qu'en brochet que le 24 juin. Il a été décalé, il devait sortir avant, mais finalement, il sort le 24 juin, donc très bientôt. Mmh. Et donc, maintenant, on va faire une petite rétrospective. Comment cette envie de te lancer dans le monde de l'écriture est-elle arrivée ? Alors, en fait, moi, ça paraît un peu bateau, mais j'écris depuis que je suis petite. En fait, j'ai appris à lire et à écrire très jeune en grande section, donc avant de rentrer au CP. Du coup, j'écrivais déjà à l'époque des histoires pour mes doudous. Ensuite, le classique journal intime à l'adolescence, c'était assez à la mode à mon époque, donc j'écrivais quotidiennement. Et puis, je me suis mise à écrire comme ça des petites nouvelles, des petites histoires. Bon, après, avec le mariage des enfants, je suis restée un peu en stand-by. Et puis, je lis beaucoup. Je suis vraiment une lectrice compulsive. Donc, je me suis remise à lire une fois que mes enfants me laissaient le temps de le faire. Et puis, à force de lire, j'ai eu envie d'écrire. J'avais plein d'histoires qui me trottaient dans la tête, notamment celle de mon premier roman du Café des Délices. Et puis, je me suis lancée au départ juste pour moi. Et puis, en le faisant lire à des amis et des connaissances, on m'a conseillé de les envoyer à des maisons d'édition. Donc, voilà. D'accord. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous parlions de la couverture juste avant. Donc, je propose du coup à nos auditrices et nos auditeurs, et du coup, je te propose à toi, Linda, même si tu connais déjà la couverture de ton ouvrage, ce qui est normal, de décrire la première de couverture. Donc, je l'ai sous les yeux actuellement sur mon écran, parce que, comme tu l'as dit, il n'est pas encore sorti en format broché. Oui. Et donc, nous remarquons directement que cette première de couverture est, ma foi, plutôt simple, dans le bon sens du terme, attention. Nous avons deux couleurs dominantes, les nuances de rose-violet, pour les fleurs et le blanc. Ensuite, comme sur tous les ouvrages, il y a du coup ton nom écrit en petit juste au-dessus du titre, qui lui est écrit en plus gros, donc ton nom Linda da Silva, et juste au-dessus, et comme je viens de le dire, en plus grand, il y a le titre Le souffle du bonheur. Donc ton nom et le titre sont écrits en violet foncé, je dirais en couleur prune quelque part. C'est ça, c'est prune. Voilà, donc ton nom et le titre sont écrits du coup en prune, et tout autour du titre et de ton nom, sur le côté gauche, il y a des fleurs de couleur rose, je dirais des fleurs de cerisier, Tout à fait. avec des nuances de rose. Et donc, pourquoi avoir choisi, avec ta maison d'édition, du coup, que ta première de couverture ressemble à ça? Alors, je voulais quelque chose dans le brief, c'était clair, c'était quelque chose d'à la fois coloré, mais sobre. C'est-à-dire que voilà, j'aime pas trop les couvertures un peu criardes, mais je voulais quand même qu'elles ressortent en rayon, mais qu'elles soient quand même douces. Donc des fleurs un peu roses, violettes, c'était tout à fait indiqué parce que voilà, je voulais vraiment que ça soit vraiment doux. Et puis c'est vrai qu'en ce moment on voit beaucoup de livres avec voilà, entourés de fleurs, entourés de choses comme ça. C'est assez à la mode et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça donne du dynamisme à la couverture, ça donne envie de découvrir ce qu'il y a derrière. Et puis par rapport au titre, au souffle du bonheur, voilà, je voulais qu'elle soit un peu en mouvement, qu'on sente le vent et le souffle derrière. Donc voilà, tout ça mélangé a fait qu'on est parti là-dessus. Surtout que, comme nous le disions en début d'émission, c'est un roman feel good, donc Le souffle du bonheur, c'est assez dansant, assez poétique comme titre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il m'est venu, comme chacun de mes titres, assez rapidement dans l'écriture, en fait. Les titres me viennent assez vite, comme la fin, qui en général ne change pas, et il m'est venu comme une évidence. D'accord. Et donc, du coup, quand tu as écrit cet ouvrage, était-ce une couverture plus ou moins similaire que tu avais en tête, ou est-ce que la dite couverture ne s'est-elle dessinée que plus tard? Pardon, je t'appelle micro, que plus tard dans ton esprit, bien que, comme tu disais, tu l'avais assez tôt dans ton esprit. Alors en fait, dès le début de l'écriture, j'avais en tête une couverture comme ça. Alors pas forcément ces fleurs-là ni ces couleurs-là, mais dans ma tête, c'était de toute façon le titre au milieu avec mon nom et autour entouré de fleurs, entouré de, voilà, de choses gaies avec des couleurs douces. Donc j'avais, oui, effectivement, j'avais déjà ça en tête. D'accord. Et donc ensuite, quand nous retournons le livre, ou... Ah oui, quand il sera sorti en format broché, nous avons du coup le résumé sur la quatrième de couverture, comme sur tous les livres. Est-ce que tu me permets de lire le résumé afin de déjà mettre les auditrices et les auditeurs dans le bain? Avec grand plaisir. Ok. Alors, le résumé dit, je cite, il n'est jamais trop tard pour partir à la conquête de son bonheur, avec un point d'exclamation. Le printemps s'installe tranquillement avec son lot de giboulées. L'envie de partir loin devient de plus en plus pressante. Oublier ses soucis, faire de nouvelles rencontres, se donner une autre chance, point de suspension. Le rêve, avec un point d'exclamation. À la poursuite du bonheur, chacun hisse ses voiles au hasard d'une destination. Jusqu'où pouvons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur? À chaque nouvelle épreuve, faut-il renoncer? Des morceaux de vie qui enchantent, des joies, des chagrins, quelques confidences. Ensemble, pendant un road trip dans les îles Lofoten en Norvège, pour le meilleur et pour le pire, tous vont tenter de laisser entrer le souffle du bonheur dans leur vie. Fin de citation. Donc, nous comprenons au travers de ce résumé que tout au long de ton roman, nous allons voyager non seulement physiquement, mais également pour partir à la poursuite de notre bonheur. Mais nous comprenons également que ce voyage nous réserve quelques surprises. Nous constatons donc qu'à travers ce résumé, tu as trouvé le bon compromis. Tu n'en dis pas trop, mais tu n'en dis pas non plus pas assez. C'est le principe d'un résumé quelque part. Mais quand tu as écrit cet ouvrage, est-ce que c'était ce résumé que tu avais en tête? Alors le résumé, je l'écris toujours en dernier. D'accord. J'ai besoin de terminer l'écriture pour pouvoir justement avoir une vue plus globale et me dire qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire pour, voilà, comme tu disais, pas en dire trop ni pas assez. Donc ça, je l'ai fait à la fin et il m'est venu assez rapidement aussi parce que voilà, je voulais pas en dire trop, je voulais pas citer le texte non plus, je voulais juste voilà, donner envie aux gens d'en savoir plus et de vouloir le découvrir. D'accord. Justement, combien de temps ça t'a mis pour écrire cet ouvrage? Alors, celui-ci, je l'ai écrit pendant le confinement l'an dernier et comme j'avais beaucoup de temps parce que je suis en télétravail, j'ai été beaucoup plus vite que d'habitude, donc je dirais 4-5 mois. D'accord. Ok, donc du coup, il va sortir en format broché dans quelques jours. Oui. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais pourquoi avoir décidé que les îles Lofoten en Norvège soient le décor, on va dire, de ton roman? Eh bien parce que c'est un rêve d'enfant, en fait. J'ai toujours rêvé d'y aller et je pense que j'irai un jour. Donc j'y suis allée grâce à mon livre virtuellement. J'ai dîné là-bas, j'ai peut-être vu des aurores boréales. Je me suis D'accord. baladée, j'ai fait des rencontres. Donc c'était mon petit rêve à moi et j'espère qu'un jour il se réalisera. Et je trouvais que c'était Surtout que je l'ai écrit en période de confinement, pour le premier, on était vraiment enfermés, j'avais vraiment besoin de m'évader, de penser à autre chose, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et justement, de quoi et ou de qui t'es-tu inspiré pour écrire ce roman? Est-ce que tu as de Alors, l'inspiration? j'ai pas vraiment de personnes qui m'ont inspiré, c'est plus en fait mon rêve d'y aller qui m'a inspiré et tous ces personnages qui venaient cogner à ma tête, dans ma tête pendant plusieurs jours, même plusieurs nuits, et je me suis dit, il faut que je les couche sur papier immédiatement. En fait, souvent, c'est les personnages qui me viennent en premier, et puis après, je vois ce que j'en fais, et puis cette histoire, elle m'est venue également comme une évidence, parce que voilà, j'avais envie de voyager, j'avais envie de partir loin dans ma tête, et du coup, voilà, ça a été évident pour moi que ces personnages devaient voyager ensemble. D'accord. Donc, avant de poursuivre et d'entrer à proprement dit dans l'ouvrage, je te propose de nous lancer dans une première pause musicale que tu as choisie. Nous allons écouter la célèbre chanson If I Ain't Got You de la non moins célèbre chanteuse Alicia Keys. Alors, mon accent anglais est toujours présent, nos auditrices et auditeurs sont au courant. Pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est une chanson plutôt typée R&B jazz. Elle est sortie en 2003 et est tirée du deuxième album studio d'Alicia Keys, album intitulé The Diary of Alicia Keys, sorti le 1er décembre 2003. D'ailleurs, cette chanson a remporté de nombreux prix. Donc, on écoute cette chanson et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before, but that life's a bore so full of the superficial. Search for a fountain, the promise is forever young. You know, some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter. Dirty with those big ass feet. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter If I Ain't Go To You d'Alicia Keys et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Linda Da Silva qui est là pour nous parler de son ouvrage Le Souffle du Bonheur. Ça va toujours ? Ça va toujours, merci. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices se sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question. Pourquoi avoir choisi cette chanson d'Alicia Keys ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? J'adore Alicia Keys, c'est vraiment une de mes chanteuses préférées. Sa voix est juste incroyable et ses chansons, ses paroles, j'adore. J'aime tout en fait. Donc c'est vrai que quand j'écris, j'aime bien écouter un peu de musique. Donc du coup, c'est vrai qu'elle fait partie des chansons que j'écoute assez régulièrement, même si elle date un peu. Mais sa voix me transporte en fait. D'accord. Donc ça, peut-être que ça t'inspire. Oui aussi, absolument. D'accord. Et donc, comme annoncé avant cette petite pause musicale, entrons directement dans le vif du sujet, ton ouvrage Le Souffle du Bonheur. Donc, quand nous ouvrons ton ouvrage, nous avons du coup les pages habituelles de présentation que nous avons dans tous les romans. Puis, nous arrivons sur une préface écrite par une certaine Sonia Dagotor. Qui est-elle ? Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une auteure incroyable qui a écrit, je crois, qui en est à son 9e roman et qui est édité maintenant chez Robert Laffont. D'accord. Et qui est devenue une amie parce qu'on s'est rencontrés en salon et depuis, on se croise pas mal dans des séances de dédicace et des salons. Donc, c'est devenu une amie très proche et elle m'a fait l'honneur d'écrire ma préface. Elle a beaucoup aimé ce livre et du coup, voilà, j'ai été honorée qu'elle puisse le faire. D'accord. Ensuite, nous avons le droit à deux citations qui viennent de commencer ton ouvrage. La célèbre citation de John Lennon. Qui dit, je cite, « Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. » Fin de citation. Et juste en dessous, nous avons une autre citation de la célèbre actrice Audrey Hepburn, cette fois, qui dit, je cite à nouveau, « Je crois en la couleur rose. Je crois que le rire est la meilleure façon de brûler des calories. » Je crois aux baisers, beaucoup de baisers. Je crois qu'il faut être forte quand tout semble aller mal. Je crois que les filles joyeuses sont les plus jolies. Je crois que demain est un autre jour. Et je crois au miracle. Fin de citation. Donc pourquoi avoir choisi ces deux citations pour commencer ton ouvrage ? Elles me parlent beaucoup, ces citations, parce que je suis tellement d'accord. Pour moi, l'important dans la vie, c'est d'être heureux. Hein. C'est pas ce qu'on veut faire plus tard comme métier. C'est pas autre chose. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la santé, l'amour et être heureux. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et pour celle de John Lennon et pour Audrey Hepburn, bah, je suis d'accord avec elle aussi. Moi, l'amour, c'est important. Et rire dans la vie, c'est très important aussi. Moi, sans le rire, je pourrais pas vivre. C'est quelque chose d'indispensable à ma vie. Et comme elle, je crois au miracle. Voilà, je crois. Il faut rêver, il faut continuer de rêver, croire en ses rêves. Et pourquoi pas, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, nous retrouverons également d'autres citations tout au long de l'ouvrage à chaque début de chapitre. Absolument. Je le fais à chacun de mes romans. En fait, je mets une citation à chaque début de chapitre qui, en général, résume un peu ce qui va se passer dans le chapitre, en fait. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle tu mets une citation au début de chaque chapitre. Tout à fait, ouais. D'accord. Tout au long de ton roman, nous allons suivre les aventures et autres péripéties de plusieurs personnages. Ils sont 14, si j'ai bien compté, au total. Nous avons Nicolas, Adèle, Emma, Julia, Philippe, Catherine, Baptiste, Gabriel, Ethan, Axel, Lucas, Hugo, Jonas et enfin Christopher. N'était-il pas trop compliqué pour toi d'avoir autant de personnages ? En d'autres termes, est-ce que tu n'avais pas peur de te perdre ? En fait, non, parce que dans toutes mes histoires, en fait, j'ai écrit 4 romans et dans chacune de mes histoires, j'aime croiser des histoires de plusieurs personnages. J'arrive pas à me cantonner à 1, 2, 3 personnages. J'ai vraiment besoin de, voilà, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai besoin d'avoir plusieurs personnages. Et en général, non, je ne me trompe pas parce que je fais, en fait, autant quand j'écris un livre, j'ai pas de plan, je me laisse aller vraiment. Enfin, j'ai un plan dans ma tête, mais je ne me pose pas à l'écrit. Par contre, je fais des fiches personnages parce qu'effectivement, comme tu le dis, j'en ai beaucoup. Et j'ai besoin de les poser quand même pour ne pas me tromper, que ce soit dans leurs caractéristiques physiques ou mentales. Voilà, donc je me fais mes fiches personnages pour pas être perdue. D'accord, et donc ensuite le premier chapitre, nous arrivons dans l'appartement de Nicolas, rédacteur freelance pour le magazine Millennial. De plus, ce qui est assez rare dans un roman, il faut bien l'avouer, Nicolas est un homme qui aime les hommes. D'ailleurs, dans ce roman, il y a également une femme qui aime les femmes. Il me semble que c'est, j'hésite entre Adèle ou Axel, je ne sais plus trop. C'est Adèle. Adèle, voilà, une femme qui aime les femmes. Donc quel était ton objectif en créant, on va se concentrer sur Nicolas pour l'instant, quel était ton objectif en créant ton personnage de la sorte, entre guillemets ? Alors en fait, j'avais aucun objectif. C'est D'accord. juste que ça fait partie de notre vie aujourd'hui. C'est comme Mmh, ça. c'est On vrai. l'accepte ou on l'accepte pas, mais voilà, il faut tout pour faire un monde. Donc mes personnages reflètent la société actuelle et la société actuelle compte des homosexuels. Donc il y en a aussi dans mes romans. Je passe aucun message. Je ne cherche pas à faire accepter quoi que ce soit. C'est juste voilà, ils sont là parce que ça fait partie de la vie. Ok, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc justement, Nicolas, c'est un jeune Parisien qui vit dans un appartement ayant une vue directe sur un bar appelé le Next, bar qui existe réellement d'ailleurs. Il me Tout à semble. fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bar? Si tu le connais. Bah, pas vraiment parce que c'est pas un bar où je suis allée. En fait, j'essaye quand même dans mes romans d'être le plus réaliste possible. Donc quand je fais des recherches, voilà, j'ai vu que ce bar existait, donc le nom plaisait, je l'ai mis, mais je ne pourrais pas vous le décrire ni vous dire ce qui s'y passe, mais ça a l'air d'être un bar branché. D'accord. Et donc justement, pourquoi avoir pris la décision de transposer ton histoire dans des lieux qui existent réellement? Est-ce que c'était pour un souci d'authenticité? C'est exactement ça, c'est un souci d'authenticité, de crédibilité. J'aime bien que si les gens se disent, tiens, est-ce que ça existe vraiment? Eh bien, qu'ils le trouvent et qu'ils trouvent que ça existe vraiment dans l'endroit où je le dis. J'aime bien l'idée. D'accord. Et avant Et c'est d'aller... pareil d'ailleurs pour tous les endroits qui vont visiter en Norvège, tous sans exception existent. D'accord, même la fameuse salle de jeu apparemment dans le roman. Absolument. D'accord. Et avant d'aller plus loin, d'ailleurs, nous l'avons un petit peu dit tout à l'heure, ce roman est un roman feel good. Donc Oui. pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un roman feel good, est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Alors, il n'y a pas vraiment de définition claire, mais pour moi, un bon roman feel good, c'est un roman qui vous permet de passer un bon moment de détente, vous faire rêver, vous faire ressentir des émotions, vous faire rire, vous faire pleurer, faire passer des petits, aborder des thèmes d'actualité, mais sans trop se prendre la tête. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un bon moment de détente. D'accord. Et donc, justement, pourquoi avoir pris la décision d'écrire un roman feel good? Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Voilà, j'aime bien quand les choses finissent bien. Alors, c'est vrai que la vie, elle peut être parfois difficile. Elle n'est pas toujours belle. On passe tous par des moments un peu plus compliqués les uns que les autres au fur et à mesure des années. Mais j'ai tendance à dire que, voilà, je suis quelqu'un d'optimiste et j'aime quand les histoires se terminent bien. Ce qui est aussi le cas souvent des feel good, des histoires qui quand même se terminent bien, même s'il y a des épreuves durant l'histoire. Donc, voilà, j'aime bien les histoires qui finissent bien. D'accord. Et donc nous allons du coup tout au long de cette émission parler de ton ouvrage dans un ordre chronologique, histoire de ne pas perdre nos auditrices et nos auditeurs. Donc dans les deux premiers chapitres, tu nous présentes chacun des personnages et nous remarquons que chaque personnage justement est différent du voisin par exemple, qu'ils ont toutes et tous leurs histoires, leurs vécus, etc. etc. pardon, que rien ne pourrait les rapprocher en somme, si ce n'est le voyage en Norvège. Donc quel était ton but en créant des personnages si différents les uns des autres? Bah, c'est exactement ce que tu dis en fait. C'est à la base des personnages qui ne se seraient jamais rencontrés, qui ne se seraient jamais croisés. Et c'est ça que j'aime, c'est les hasards de la vie, un peu le destin comme je l'appelle. C'est de se dire que ces gens-là, ils ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas réservé en même temps ce voyage. Et voilà. Et j'aime bien cette idée de me dire qu'ils sont différents, qu'ils n'ont rien à voir, qu'ils ont des passions différentes, des problèmes, qu'ils ont chacun leur joie, leur peine, leurs épreuves, qui vont se croiser à un moment de leur vie, totalement inattendu, et qu'il va se passer des choses et qu'il va leur arriver plein de choses. Et ça, j'aime bien. D'accord. Et donc, avant d'aller plus loin dans l'intrigue une nouvelle fois, je te propose de revenir aux bases, virgule, entre parenthèses, de ton écriture. Est-ce que tu t'es inspiré d'un auteur ou d'une autrice en particulier? Car j'ai cru reconnaître des inspirations d'autres autrices très célèbres dans le roman Feel Good, Virginie Grimaldi ou encore Raphaël Giordano. Alors, plus peut-être Virginie Grimaldi, parce que Raphaël Giordano, c'est quand même plus du développement personnel. D'accord. J'aime bien aussi, mais c'est pas trop ce que j'écris. En revanche, oui, Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup. C'est une auteure que j'apprécie beaucoup, dont j'ai lu tous les romans. Et comme j'expliquais, c'est des romans, voilà, qui transmettent beaucoup d'émotions, qui te font rire, qui te font pleurer. Et ça, j'aime beaucoup. Donc oui, je m'inspire sans scrupule. D'accord. Non, mais c'est bien, comme on dit, il faut s'inspirer des meilleurs. Absolument, absolument d'accord avec toi. Voilà, parce que c'est vrai que pour ma part, je suis aussi également lecteur et auteur à côté, mais j'ai aussi déjà lu des romans de Virginie Grimaldi, pardon, et c'est vrai que elle est très très forte dans le domaine du très feel good, tout ça. Absolument, ouais. maintenant, pour revenir un petit peu aux petites citations que nous retrouvons à chaque début de chapitre. Ce sont toutes des citations très feel good. J'imagine que c'était obligatoire pour toi et même totalement logique de partager des citations très feel good pour ce roman, très feel good également. Oui, absolument. Il fallait quand même que ce soit des citations qui correspondent à mon genre de roman. Et puis, comme je le disais, toujours qui correspondent à ce qui va se passer, à une idée clé de ce qui va se passer dans le chapitre qui suit. Ouais. D'accord. Et donc, justement, avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous relancer dans une nouvelle pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions la chanson que tout le monde a déjà entendue au moins une fois quand elle est sortie, Shallow de Lady Gaga avec Bradley Cooper. Une nouvelle fois, pour donner les références, cette chanson est tirée, bien sûr, du film A Star Is Born, sorti en 2018. Cette chanson a remporté de nombreuses récompenses, 8 au total. L'Oscar de la meilleure chanson originale, le Golden Globe de la meilleure chanson originale, le Grammy Award de la meilleure prestation pop par un duo ou un groupe, le Critics' Choice Movie Award de la meilleure chanson originale, le Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour un film, la télévision ou autre média visuel, le Satellite Award de la meilleure chanson originale, le Danish Music Award de la meilleure chanson internationale et enfin le MTV Movie Award du meilleur moment musical. Et toutes ces récompenses ont été remportées en 2019. Ça fait beaucoup, mais voilà. Donc, du coup, on écoute ce morceau et on se retrouve juste après cette chanson, du coup, de Lady Gaga avec Bradley Cooper et leur titre Shallow, tiré de leur film, enfin, tiré du film A Star Is Born. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shallow, la la la la. vous êtes de retour sur Radio Gemozo et dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Linda Da Silva qui est là pour nous parler de son ouvrage Feel Good, Le souffle du bonheur. Ça va toujours ? Ça va toujours, Christopher. Parfait. Donc même question que pour la première pause musicale, pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Eh bien écoute, comme beaucoup de gens, j'ai adoré le film A Star Is Born. Voilà, Bradley Cooper et Lady Gaga ont fait une prestation juste incroyable. Les musiques sont à tomber. Et vraiment, j'ai adoré le film. Donc cette chanson, c'était évident pour moi. Et surtout que je trouve personnellement que leurs deux voix mélangées, ça donne vraiment quelque chose de vraiment magnifique. Ça donne des petits frissons un peu partout. Ah ouais, c'est incroyable. C'est Bradley Cooper chanter, c'est juste... C'est vrai. Ouais. On connaissait le talent de Lady Gaga, mais Bradley Cooper... Voilà. Donc, on va reprendre le cours de cette émission. Est-ce qu'à travers ce roman, Le souffle du bonheur, il y a une certaine dimension autobiographique ? Alors, pas vraiment, parce que je n'ai pas mis de moi dans ces personnages pour cette fois. J'ai déjà fait dans d'autres romans. Après, c'est plus, comme je le disais, un rêve d'y aller. Donc, ce serait un futur autobiographique, peut-être. mais pas en l'écrivant, en tout cas. D'accord. Et donc, en lisant cet ouvrage, je trouve que nous nous attachons à tous les personnages pour différentes raisons, et plus particulièrement, enfin, ça a été, là, je parle plutôt d'un point de vue personnel, au personnage d'Axel, parce que nous avons envie de, quand on connaît son histoire, nous avons envie de la rassurer, de la prendre dans nos bras. On voit bien qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle ne se sent plus bien suite au tragique événement dont il est question dans le roman. Donc, est-ce que c'était ton but de faire en sorte qu'on s'attache à chaque personnage et pourquoi pas à un personnage plus qu'aux autres ? Absolument. En fait, moi, ce que j'aime, c'est quand les lecteurs me disent après leur lecture « je me suis attachée à tous vos personnages » ou « je me suis attachée à tel personnage pour telle raison ». J'adore ça. J'adore qu'ils soient tellement crédibles, limite qu'ils fassent partie de leur vie et qu'ils aient envie de les voir évoluer dans d'autres romans. Ce que j'aime faire dans mes romans, je reprends certains des fois personnages pour les remettre dans d'autres romans et les faire évoluer. Donc ouais, j'aime beaucoup si on me dit qu'on s'attache à mes personnages et qu'on m'explique pourquoi, voir si vraiment c'est le message que j'ai voulu faire passer, etc. Donc ça, j'apprécie beaucoup et c'est vraiment pour moi, c'est un très beau compliment. Bah donc du coup, je te fais ce petit compliment. C'est vrai que je me suis personnellement attaché à deux personnages vraiment beaucoup. Le personnage d'Axel, avec quand on sait ce qui s'est passé dans son histoire, et également le personnage de Gabriel. Et aussi, ah, mais je ne suis pas étonnée. Ouais. Et aussi le père de Gabriel, parce qu'on sait dans... En fait, avec ce que Gabriel, il est, entre guillemets, je ne sais pas trop comment me prononcer, on sait que c'est pas forcément... On comprend que c'est pas forcément évident pour son père. Donc, oui. Voilà. En fait, j'ai voulu vraiment montrer les différentes façons d'aimer dans ce roman. D'accord. Soit d'aimer son mari, d'aimer ses enfants, d'aimer ses amis. Voilà, il y a différents amours, en fait, dans ce roman. Et surtout que, comme je disais, chaque personnage, en fait, il arrive quelque chose à chaque personnage dans le roman. Donc, par exemple, aussi le personnage de Julia, quand on sait dans quelle situation elle est. Mm-hmm. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose, je trouve, dans le milieu de l'écriture. Enfin, je trouve que c'est un objectif réussi, on va dire. Merci. En fait, voilà, chacun était à une période de sa vie où il avait envie de faire des choix cruciaux pour sa vie. Et ce voyage, voilà, ça a été le moyen de le faire. Surtout que ce qui arrive à chaque personnage, ça peut arriver réellement. Absolument. C'est aussi une des caractéristiques du Feel Good, c'est que c'est des thèmes d'actualité, mais des thèmes aussi qui peuvent arriver à tout le monde et qui parlent à tout le monde surtout. Mm-hmm. En plus, nous espérons que chacun des personnages réussira à trouver un nouvel objectif ou qu'il arrivera à accomplir ce qu'il souhaite accomplir. Nous avons presque envie d'être avec eux dans ce voyage, ce qui est un peu le cas quand on tient l'ouvrage entre nos mains ou qu'on l'a sur l'écran d'ordinateur. Donc là aussi, est-ce que c'est ce que tu souhaitais faire ressentir aux lectrices et aux lecteurs de plonger en fait dans le roman ? C'est exactement ça. En fait, je veux les plonger dans un embarquement immédiat dans ce voyage. Je veux qu'ils vivent avec les personnages, je veux qu'ils soient tristes pour eux, je veux qu'ils soient heureux pour eux. Je veux vraiment qu'ils vivent avec eux et qu'ils compatissent pour eux. J'ai envie qu'à travers ce voyage et à travers ce récit, ils aient envie d'être avec eux et qu'ils aient l'impression d'être avec eux. Mmh, d'accord. Et justement, on peut avoir l'impression d'être avec les personnages car tu fais également beaucoup de descriptions des différents paysages que les personnages découvrent. En quelque sorte, nous les découvrons en même temps qu'eux. Donc, j'allais te demander pourquoi avoir fait ce choix, mais je pense déjà connaître la réponse. Ben ça, j'y tenais beaucoup. Je voulais vraiment que les gens ils y soient avec eux, que vraiment on se dise, j'ai vu un bout de la Norvège, j'ai visité la Norvège, j'ai mangé avec eux, j'ai visité avec eux, j'ai vu des choses, j'ai découvert des paysages époustouflants avec eux. Voilà, j'avais besoin que les gens se sentent vraiment partir et s'évader avec eux. Donc il fallait des descriptions, il fallait qu'ils s'imaginent vraiment être avec eux. Oui, car justement, en lisant cet ouvrage, en préparant cette émission, c'est vrai que, je sais pas, c'est une sensation bizarre à décrire pour nos auditrices et auditeurs. En fait, j'avais l'impression de ne plus être devant mon écran d'ordinateur, mais vraiment d'être un des personnages du roman. Je ne sais pas comment expliquer, c'est très, très étrange comme sensation. Eh bien, écoute, c'est super. Je suis très contente que tu aies ressenti ça, parce que c'était le but. Ah bah parfait. Donc, et en plus, tout au long de l'ouvrage, nous voyons malgré tout que certaines ombres, viennent malheureusement noircir le tableau dans ce paysage pourtant presque féerique. Différents événements, je pense que tu vois de quels événements je veux parler. Bien sûr. Donc, je suppose que c'était une volonté de ta part également. Ça a beau être un feel good, ça reste quand même le reflet d'une vie, et une vie, c'est pas toujours le calme plat. Malheureusement, il nous arrive d'être soumis à des épreuves parfois plus difficiles les unes que les autres. Donc voilà, j'avais besoin quand même que ce soit pas trop tout est beau, tout est gentil. Voilà, c'est le reflet de la vie, et malheureusement dans la vie il se passe plein de choses. Donc il leur arrive plein de choses comme dans la vraie vie. Et qu'on est parfois peut-être tellement... Il y a des choses qui s'accumulent qu'on ait envie d'abandonner quelque part. Exactement, c'est ça la grande question. C'est de se dire, avec tout ce qui nous arrive, est-ce qu'on doit renoncer ou au contraire se relever? Mmh. Oui. En fait, qu'on soit auteur ou pas, à partir du moment où on est humain, on vit tous au moins une fois ce sentiment dans notre vie. Donc c'est pour ça aussi. Bah exactement, ouais, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on rentre encore plus dans l'ouvrage, je trouve, car ça nous ressemble, ça peut nous ressembler, ça peut être nous à leur place. On peut se dire, ah, oui, c'est, tout à ça fait. Peut tout être ce moi. Ce qui arrive dans le roman peut arriver à n'importe qui. Tout à fait. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que ce voyage est pour chacune et chacun comme une deuxième chance, bien que les cas soient différents. Ah, excuse-moi, ça a été coupé, du coup, j'ai pas entendu ta question. Je disais, finalement, est-ce qu'on peut dire que ce voyage est pour chacune et chacun comme une deuxième chance, bien que les cas soient différents? Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est chacun s'offre une nouvelle chance, d'oublier ses soucis, d'oublier son quotidien, de rencontrer de nouvelles personnes et vraiment de se donner une vraie chance de commencer quelque chose de nouveau. Pour certains, bon, pour d'autres c'est plus difficile, comme tu as pu voir, mais oui, c'est vraiment se donner une nouvelle chance, tout à fait, d'être heureux, une chance d'être heureux, et de faire passer son bonheur avant tout le reste. Et d'ailleurs, ce sentiment d'être, justement, comme on disait un peu plus tôt, d'être avec les personnages, on le voit, enfin je l'ai ressenti aussi beaucoup lors du passage de la randonnée dans ton roman avec le, je sais pas si je vais bien le prononcer, le Svolvargeita. Cette fameuse montagne en Norvège, très belle montagne au passage, j'avais l'impression, comme nous le disons tout à l'heure, d'être sur ce chemin de randonnée avec les personnages, de marcher à côté de Gabriel ou d'Adèle ou peu importe. C'est génial. D'être littéralement avec eux, de ne plus être installé sur mon siège de bureau bien confortablement, mais littéralement d'être dans le roman, à côté des personnages. Je ne sais pas, comme je disais, comment expliquer cette sensation. J'ai voyagé tout simplement avec les personnages. Donc j'ai te demandé si c'était ton but, mais oui. Oui, absolument. Voilà. Et donc, allez, je te propose de nous plonger dans une nouvelle pause musicale avant d'encore plus voyager avec ces personnages. Et je te propose de nous lancer dans Uptown Funk de Mark Ronson en duo avec Bruno Mars. C'est une chanson que tu as choisie une nouvelle fois. Et du coup, tu es habitué désormais, j'ai donné les petites références. Cette chanson est sortie en 2014. Elle est tirée du 4e album studio de Mark Ronson, album intitulé Uptown Special de Mark Ronson, album sorti le 13 janvier 2015. On écoute donc Mark Ronson en duo avec Bruno Mars, avec leur titre Uptown Funk, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission très intéressante concernant ton ouvrage, Le Souffle du Bonheur. Donc à tout de suite. À tout de suite. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire. hallelujah. Girl, set your hallelujah. Girl, set your hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous êtes toujours dans l'émission À la rencontre d'auteurs, vous venez d'écouter Mark Ronson en duo avec Bruno Mars avec leur célèbre titre Uptown Funk. Nous sommes toujours plutôt avec notre invité, nous sommes par téléphone avec Linda Da Silva pour son roman Feel Good, le souffle du bonheur. Est-ce que tu passes un bon moment avec nous, Linda ? Je passe un très bon moment, Christopher. Merci beaucoup. Parfait. Donc, j'aime bien dire, lors d'une pause musicale comme celle-là, que heureusement, je suis tout seul dans le studio parce que sinon, on m'aurait pris pour un fou. cette chanson donne la pêche. Bah voilà, c'est ce que j'allais te dire. En fait, moi, cette chanson, quand j'ai un petit coup de mou, je la mets et tout de suite, j'ai la pêche pour ma journée. Donc, c'est pour cette raison que tu as choisi cette chanson ? Oui, c'est ça. C'est la chanson qui me donne la pêche quand j'ai un petit coup de mou. D'accord, ok. Sur laquelle je danse. Ah bah oui, moi aussi, malgré cette chaleur, j'étais à fond. Donc du coup, en lisant ton ouvrage, et comme nous le disions un peu plus tôt dans cette émission, nous nous attachons à chacun des personnages. Nous nous y attachons tellement que nous voulons directement arriver à la fin pour savoir si certaines et certains ont réussi à atteindre leur objectif, ou pour d'autres, de savoir si elles et ils vont mieux. Ça en devient presque pesant, mais à la fois excitant de ne pas savoir comment ça va se terminer. Mais bien sûr, il n'y a rien de négatif dans ce que je suis en train de dire, bien au contraire. C'est ce qui fait, je pense, un bon roman. Donc, était-ce ton objectif de, en fait, pas de presser le lecteur, mais d'avoir envie de savoir, savoir comment ça va se terminer? Oui, en fait, j'ai envie que les gens aient envie de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer et qu'ils n'arrêtent pas de lire et qu'ils le dévorent. Oui, ça, c'est effectivement un des objectifs. C'était plutôt réussi. En tout cas, quand je l'ai lu, j'avais envie de descendre le document pour... Et nous remarquons dans ton roman que tu cites des noms de villes ou encore des sentiers pour se rendre dans ces villes en question. En écrivant du coup ton ouvrage, comment est-ce que tu t'es renseigné pour que l'histoire soit, on va dire, la plus crédible possible? Alors, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la Norvège et les îles Lofoten en particulier, à la bibliothèque. J'ai été sur beaucoup de forums et de blogs de gens qui y sont allés. Pour que ce soit crédible, que je note des endroits où ils ont été mangés, des choses qu'ils ont visitées, ce qu'ils ont ressenti en voyant, comment ils ont décrit. Tout ça, ça m'a beaucoup inspirée. Donc, c'est entre la bibliothèque et Internet, et puis mes petites lectures, les petits guides de routard, tout ça, ça m'a bien aidée. Donc justement, là, en parlant de guides de routard, tu me tends un petit peu la perche, car en lisant cet ouvrage, j'avais l'impression de lire une sorte de guide de voyage, comme un genre de grand fascicule. Donc, était-ce un de tes buts? Alors, le but, c'était pas tant de faire un peu guide de voyage, c'était plus effectivement de suivre tous ces personnages dans leur évolution et dans leur voyage, dans ce qu'ils allaient ressentir, dans ce qu'ils allaient voir et découvrir. Voilà, c'est plus ça qu'un guide, en fait. D'accord. En lisant ton roman, et comme tu le dis dès le début d'ailleurs, Gabriel n'est pas un garçon comme les autres. Dans ses paroles et dans ses actes, nous ressentons un côté mignon et un côté innocent, comme si c'était réellement un enfant qui parle et qui agit, un enfant dans la même situation que Gabriel. Donc, est-ce que c'était ce que tu voulais faire ressentir? En fait, je voulais montrer qu'effectivement, c'était un enfant différent, parce qu'effectivement, il n'est pas comme les autres, et on s'en rend compte en découvrant ce qui se passe avec lui, ce qui se passe avec son père, sa souffrance intérieure, qu'il n'arrive pas à communiquer, en fait. Et son problème, c'est la communication, et c'est souvent le problème de ses enfants, c'est qu'ils ne savent pas comment communiquer, et du coup, ça rend plus compliqué les relations parents-enfants. Et c'est ça que je voulais décrire, en fait. Et je voulais montrer un peu l'évolution de ce père qui se sent un peu perdu, qui se sent seul et qui ne sait pas comment réagir face à la détresse et à la souffrance de son fils. Et qui, par le biais de ce voyage et de ses rencontres et de ses discussions avec notamment Axel, va essayer de trouver des solutions. Donc justement, pour faire un personnage, donc un petit garçon, le plus crédible possible, là aussi tu t'étais renseigné sur Internet, etc. Alors sur Internet et puis sur des connaissances qui ont ce type d'enfants, des personnes qui travaillent avec eux et à l'école et aussi dans des endroits médicalisés. Je me suis quand même. En fait, il fallait vraiment que ses réactions soient crédibles, et que son manque de communication soit crédible aussi. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'ils réagissent vraiment comme ça, ces enfants-là, etc. Donc j'avais besoin quand même d'avoir des exemples concrets, oui. Et donc, qui dit Norvège, donc c'est un pays scandinave. Donc, qui dit pays scandinave dit aurore boréale. Donc, voilà. À un moment dans l'ouvrage, il est question d'aurore boréale. D'ailleurs, le personnage de Gabriel veut en voir à tout prix. Donc, tu les décris et nous avons vraiment l'impression de les voir. Donc, vas-y, je te laisse répondre. Écoute, c'est super si tu as eu l'impression de les voir, parce que c'était vraiment l'objectif. Je voulais les décrire tellement précisément qu'on pouvait les imaginer sans vraiment réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais vraiment que les gens... que les lecteurs se disent « Je vois très bien ce qu'elle dit, c'est comme si je les voyais. » Donc si tu me dis que c'est réussi, j'en suis ravie. Là, une nouvelle fois, comme je le disais un petit peu plus tôt, je n'avais plus l'impression d'être dans mon bureau chez moi, mais vraiment d'être devant des aurores boréales, dans le froid Ça, c'est génial. Donc justement, j'allais te poser la question si tu en avais déjà vu, mais tu as dit au début que non. Non, malheureusement non, mais j'espère en voir un jour. Surtout que quand on les voit sur Internet ou grâce à justement à la description que tu en fais, c'est vrai qu'elles sont c'est vraiment magnifique comme phénomène. Ça a l'air magique, juste magique. C'est vrai. Maintenant, je te propose de faire une petite rétrospective et de revenir au tout début de l'ouvrage. La plupart des personnages présents dans l'intrigue ne se connaissaient pas avant ce fameux voyage. Je dis la plupart car certains des personnages présents dans ce roman se connaissaient déjà avant ce voyage, comme par exemple le personnage de Catherine et Philippe et le personnage de Gabriel et son père. Par exemple. Mais du coup, en lisant cet ouvrage, nous comprenons que même s'ils ne se connaissaient pas auparavant, ils sont quand même liés par quelque chose. Donc selon toi, quel serait ce quelque chose qui les lie? Alors en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on est jeune et qu'on part en voyage, ne serait-ce qu'une semaine ou 15 jours avec des inconnus, eh ben, ça crée des liens très forts parce qu'en une semaine ou en 15 jours, on est tellement proches et on est H24 tous ensemble qu'on crée des liens qu'on ne créerait pas avec des personnes peut-être qu'on connaît depuis des années. Tu vois, c'est vraiment ce type de voyage qu'on fait, je dis jeune, mais ça peut être à n'importe quel âge comme dans mon roman, c'est vraiment des opportunités de rencontrer des gens et de créer des liens très forts et qui pourraient rester à vie. Et en fait, j'aime ce côté un peu inattendu et spontané de la vie qui fait que bah, des fois, tu vas faire une rencontre totalement inattendue et puis une personne qui arrive dans ta vie en 15 jours, elle va t'apporter plus que des personnes que tu connais depuis des années. Donc, c'est ça aussi que j'aime faire passer comme message. Mmh. Justement, dans ce que tu dis, il y a une certaine image, on va dire, comme un peu des amours de vacances, par exemple. Oui, aussi. Moi, j'aime beaucoup voyager. Hein. C'est vrai que les vacances, surtout quand j'étais jeune, je voyageais beaucoup plus avant que j'aie mes enfants. Et c'est vrai que bah, j'ai fait beaucoup de rencontres et je côtoie encore des personnes que j'ai connues seulement pendant 15 jours ou 3 semaines pendant un voyage. Donc, c'est vrai que ça crée vraiment des liens très forts. De partager des choses comme ça, tout de suite, on s'attache aux gens. C'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, je te propose, si tu es d'accord, de nous lancer dans une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que tu en dis ? Avec plaisir. Ok, donc, une nouvelle fois, avant de poursuivre cette émission, je te propose de nous lancer dans la pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, le célèbre slammer Grand Corps Malade, en duo avec la célèbre chanteuse Louane, qui est d'ailleurs devenue maman il n'y a pas longtemps, il me semble. Oui. Et leur titre Derrière le brouillard, leur célèbre titre Derrière le brouillard qu'on entend sur toutes les chaînes de télé, des chaînes musicales de télé. Pour donner les références à nouveau, cette chanson est quand même sortie en 2020. Elle est plutôt typée slam pour Grand Corps Malade et pop pour Louane et est tirée du 7e album studio de Grand Corps Malade, album dans lequel Grand Corps Malade met à l'honneur les femmes, album intitulé Mesdames, est sorti du coup le 11 septembre 2020. Donc c'est pas si vieux. Hein. Donc on écoute ce morceau de Grand Corps Malade et Louane, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc une nouvelle fois, à tout de suite. À tout de suite. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Y'a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y'a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y'a pas de recette, toi t'en avais pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y'a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois. À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration, et à quel moment on en fait une chanson? J'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire, et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. Vous êtes de retour dans Radio Gemozo dans l'émission À la rencontre d'auteurs. Vous venez d'écouter Derrière le brouillard de Grand Corps Malade en duo avec Louane. Vous êtes toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Linda Da Silva qui est là pour nous parler de son ouvrage Le souffle du bonheur. Tout va toujours bien pour toi ? Impeccable, merci. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier ? Eh bien, écoute, le mélange de slam et de pop, comme ça, je trouve que c'est très réussi. Le slam avec, tu vois, ce côté un peu brut, mélangé à la douceur de Louane, moi, je trouve que c'est juste une très bonne idée. Et puis, mon frère chante du slam, donc c'est vrai que je suis assez touchée par ce type de chanson. D'accord. Et donc, justement, là, ce que tu dis, c'est ce que je pense également. Comme tout à l'heure, on parlait du mélange des voix de Bradley Cooper et Lady Gaga, qui ça allait super bien ensemble. Bah, Grand Corps Malade et Louane, c'est exactement pareil. Leurs deux voix se mélangent très bien. La voix grave, voire très grave, de Grand Corps Malade et la voix plus douce de Louane. Exactement. C'est tout à fait ça. Je trouve le mélange parfait. C'est vrai. On va donc nous replonger dans ton ouvrage Le souffle du bonheur. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une bonne idée. Parfait. Je pense aussi. Donc, dans ton histoire, nous avons le droit à deux histoires en une. Celle actuelle et celle de l'époque, entre guillemets, avec Philippe et Catherine. Oui, c'est vrai. Pourquoi avoir... Il y a un petit retour dans le passé. Pourquoi avoir fait ce choix ? Ben, j'ai fait ce choix parce que je voulais montrer aussi à quel point cette maladie est devenue, limite banale, parce que de plus en plus, malheureusement, de personnes en sont atteintes. Et je voulais montrer que les souvenirs sont toujours là, quelque part, bien cachés au fond, et qu'ils peuvent un jour remonter à la surface. Et c'est une façon de le faire, et j'ai trouvé que c'était une belle façon et une belle preuve d'amour de la part de Philippe de tenter de le faire de cette manière avec sa femme. C'est vrai. C'est vrai que la maladie dont souffre Catherine, bon, on ne va pas la citer pour éviter de spoiler, mais c'est vrai que la maladie dont souffre Catherine, c'est évident pour personne. Quelque part, le malade, il ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais surtout pour ses proches autour, c'est très, très compliqué. Alors, je pense quand même que ça doit être difficile pour les deux. Alors après, ça dépend à quel stade, mais effectivement, plus pour les proches, dans le sens où ils se sentent un peu oubliés, ne plus faire partie de leur vie, et ça doit être vraiment difficile, notamment pour les maris ou les femmes, mais aussi pour les enfants, d'ailleurs. Et après, le côté aussi de la personne qui, malgré ses efforts, malgré son insistance, n'arrive pas à retrouver ses souvenirs. Ça doit être tellement difficile à vivre. On a l'impression de perdre sa vie, en fait. C'est ça. Heureusement, du point de vue personnel, j'ai personne dans mes proches qui souffre de ça, mais j'arrive à mettre à la place de ceux qui vivent ça. C'est vrai que ça ne doit pas du tout être évident. Ouais, moi, ma grand-mère en a été victime, malheureusement, et c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. Hein. Ah bah, voilà. Donc, et même d'ailleurs dans l'époque actuelle, entre guillemets, plusieurs histoires s'entremêlent. Je pense notamment aux histoires des membres du groupe, aux histoires d'amour, histoires de... voilà. Bien qu'elles soient toutes différentes également, ou par exemple avec l'histoire d'Axel, qui, on a l'impression, est là sans trop être là. Donc là aussi, même question, pourquoi avoir fait ce choix ? Bah, c'est pareil, c'est pour voilà, montrer que la vie, malheureusement, elle réserve aussi des choses assez pénibles à tout le monde, comme elle peut être très belle, elle peut se montrer aussi très dure. Et voilà, j'avais vraiment envie que chacun arrive avec ses valises, avec son vécu, et que ce soit vraiment très différent pour chacun d'eux, que certains vivent des choses plus légères, comme mmh. Nicolas, ou oui. plus difficiles comme Axel. Voilà, j'avais vraiment besoin de montrer que bah, il existe plusieurs façons d'aimer, plusieurs façons d'être triste, et plusieurs façons de d'arriver à s'en sortir ou pas. Et voilà, et qu'on peut, même avec des inconnus, se confier, s'entraider, et voilà, qu'une personne, comme je le disais, qui passe furtivement dans ta vie peut beaucoup plus t'aider parfois que quelqu'un qui est là depuis des années. Donc c'est vrai que j'avais envie de montrer aussi que voilà, il peut exister une certaine entraide et empathie avec des gens que tu n'as jamais rencontrés, mais qui passent comme ça dans ta vie et qui prennent une importance considérable dans la tienne. Mmh. Plusieurs façons d'être triste aussi, plusieurs façons de le montrer. C'est ça, absolument. Oui, on n'est pas tous égaux face aux épreuves et à la tristesse. On la vit différemment et on la montre différemment et on réagit différemment à chaque épreuve. Et c'est aussi voilà, une façon de montrer que bah, chacun peut réagir à sa façon. Une façon de montrer qu'on est tous différents. Là aussi, ça rajoute le côté authentique à ton roman. Oui, c'est vrai. Merci. Avec plaisir. Donc, à la page 175, normalement, si j'ai bien noté les références, le titre du livre revient dans une parole d'un des personnages, Jonas, qui dit à Axel, je cite, « Laisse le souffle du bonheur entrer à nouveau dans ta vie ». Donc là, on retrouve le titre, « Le souffle du bonheur ». Donc, on retrouve oui. donc, comme je disais, le titre du roman, mais est-ce que, justement, ce titre était davantage présent pour un personnage en particulier, Axel, par exemple, ou est-ce que tu trouvais que, tout simplement, ce titre collait parfaitement à chaque personnage présent dans l'ouvrage, bien que d'une manière différente ? Voilà, c'est plutôt cette deuxième idée, c'est-à-dire que ça colle un peu à tout le monde, mais de façon différente. C'est-à-dire que c'est effectivement plus flagrant pour Axel de par ce qui lui arrive, c'est plus difficile pour elle de se dire qu'elle va être à nouveau heureuse, que le bonheur arrivera à nouveau dans sa vie. Elle n'y croit pas, elle pense que ce ne sera pas possible. Donc c'est vrai que ça a un sens plus particulier pour elle, mais pour tout le monde, il faut laisser entrer le souffle du bonheur dans sa vie, quoi qu'il arrive. Il faut y croire, il faut continuer à rêver, et je pense que ça colle un petit peu aussi à tous les personnages, à chacun à leur manière, et de façon plus légère ou plus difficile. Et puis là, tout à l'heure, on parlait de l'authenticité de ton ouvrage, comme si c'était vraiment nous qui le vivions, parce qu'à la fin justement du roman, sans trop spoiler, il y a une conversation, sur un célèbre réseau social téléphonique entre les chaque personnage. Donc là aussi, c'était aussi pour ce souci d'authenticité. Exactement, pour être dans son temps. Hein. C'est vrai que bah, on utilise tous, alors je sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais... On évite. Alors voilà, on l'utilise tous et du coup, voilà, ça fait aussi partie de la vie et c'est ce qu'on fait aujourd'hui le plus souvent, surtout quand on est loin des personnes qu'on aime et des personnes qui nous tiennent à cœur. Donc c'est la meilleure façon de garder contact, de pouvoir partager encore en étant loin. Mmh, d'accord. Et donc là, c'est pas une question, mais c'est une petite remarque que j'avais envie de partager. Comme nous le disions au début de cette émission, ce roman est un roman feel good et tout au long de l'ouvrage, on ressent toutes les bonnes vibrations feel-goodesques, on va dire, que tu voulais transmettre. Et je dois bien avouer que ça fait du bien. Je pense que lire un roman comme ça, un roman feel-good, quand ça ne va pas forcément dans notre vie, ça peut au contraire nous monter le moral. Exactement. C'est aussi le but des romans de ce type. Un feel-good, c'est un bon moment de détente, ça permet de rêver, ça permet de ressentir des émotions, d'aborder des thèmes, mais aussi de se faire du bien. C'est aussi le but. Hein. Mmh. Et donc justement, transition parfaite, tout à l'heure nous parlions des histoires d'amour, tout ça, donc on va se lancer directement dans la dernière pause musicale de cette émission qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Kenji Girac, qui raconte l'histoire du coup avec une histoire d'amour avec une jeune femme qu'on voit dans le clip, d'ailleurs Kenji Girac qui est également devenu papa il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oui. Donc du coup on va se lancer dans la chanson évidemment de Kenji Girac et une nouvelle fois pour donner les références, cette chanson est sorti en 2020 et est tiré du 4e album studio de Kenji Girac, album intitulé Mi Vida, sorti le 9 octobre 2020. D'ailleurs, Kenji Girac, il y a quelques années, personne ne le connaissait et grâce à un célèbre télécrochet, il est devenu très connu partout en France. Donc, on écoute évidemment, c'est le titre de la chanson, et on se retrouve juste après pour la suite et déjà malheureusement à la fin de cette émission, mais on a encore plusieurs minutes, donc ça va le faire. Donc, à tout de suite. C'est pardonner à tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même d'un rien. C'est pardonner à tous ceux qui s'aiment, de ranger les erreurs qui traînent, même à peine. Moi j'ai pu me tromper de route, on a pu se tromper sans doute. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Évidemment, on pleure un peu pour mieux s'aimer. Être à deux c'est pas donné. Être à deux, c'est pas donné. C'est pas donné de tenir longtemps, mais tu m'as donné du sourire souvent, infiniment. C'est pas donné de braver les mers, je me ferai ton phare, ta lumière, si tu te perds. Moi j'ai pu me tromper parfois, on a pu se tromper cent fois. Tout ça c'est vieux, c'était pas nous deux. Être à deux, c'est pas donné. Évidemment, fermer les yeux sur le passé. Être à deux, c'est pas donné. Évidemment, de Kenji Girac sur Radio Gemozo. Vous êtes donc de retour dans À la rencontre d'auteurs et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Et nous sommes toujours en compagnie depuis plus d'une heure maintenant au téléphone de Linda Da Silva qui est là pour nous parler de son roman Feel Good, Le souffle du bonheur. Est-ce que tout va toujours bien ? Tout va toujours bien, Christopher. Parfait. Donc, même question que pour les précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais, pourquoi avoir choisi cette chanson de Kenji Girac ? Écoute, parce que c'est une chanson d'amour et que pour moi, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et la voix de Kenji Girac est juste incroyable avec ce petit accent. J'adore comme il chante, j'adore comme il joue de la guitare. Il m'impressionne vraiment, il réussit tout ce qu'il fait et vraiment, cette chanson, elle me touche profondément. Oui, quand même le clip est très touchant également. Le clip est très beau, il est à la fois triste et beau. C'est vrai. Donc nous allons poursuivre cette émission, on a encore une vingtaine de minutes, ça tombe bien, hein, peut-être un peu moins. Donc, en quelque sorte, comme on l'a dit tout à l'heure, ce roman, cette aventure que vit chaque personnage, c'est comme une seconde chance pour chaque personnage. Mais est-ce que tu dirais également que c'est comme une sorte de cure pour chacune et chacun des personnages ? On peut dire ça, dans le sens cure, où ils n'ont pas vraiment cherché, mais pour eux, c'était un moyen de dire stop à leur vie, de souffler un peu et de se donner l'envie d'essayer autre chose. Pas forcément dans l'idée de guérir comme une cure, mais plus dans l'idée de réfléchir un peu à leur vie. Ils sont à un moment charnière de leur vie où ils savent pas trop quoi faire, quoi accepter, quoi ne plus accepter. Donc c'est vrai que c'est plus pour eux un moment d'évasion et de réflexion, tout quitter d'un coup, partir loin et penser à autre chose. Prendre du recul pour faire un point sur sa vie. Absolument, prendre du recul sur leur vie, ouais, tout à fait. D'ailleurs, dans certains chapitres, nous passons par différentes émotions, par différentes sensations et par différents sentiments dans un seul et même chapitre. En te posant cette question, je pense notamment au chapitre 24. Nous sommes heureux de ce qui se passe entre Gabriel et son père. Nous avons presque les larmes aux yeux en lisant la lettre de Gabriel à son père, mais nous sommes aussi tristes pour Axel dans ce même chapitre. Donc, était-ce un choix volontaire de ta part d'opposer deux sensations, deux sentiments contraires dans un seul et même chapitre ? Oui, tout à fait. En fait, j'aime bien, alors je suis contente que ce soit réussi, j'aime bien transmettre des émotions à travers mes écrits et j'aime bien que les gens ressentent des choses contradictoires, c'est-à-dire que qu'ils soient heureux, mais qu'ils soient aussi tristes, qu'ils rient. J'ai vraiment l'envie de faire passer des choses, des émotions à la fois tristes et heureuses. J'aime bien cette idée, ouais. Et d'ailleurs, dans le chapitre suivant, le chapitre 25, du coup, tu parles d'une salle de jeu, comme on parlait au début de cette émission, appelée VR Games Zone, qui reste ouverte toute la journée pour les fans des jeux vidéo des années 1980-1990, en citant notamment les jeux Pac-Man, Donkey Kong, Tetris, Super Mario Bros, La Légende de Zelda, Arkanoid, Double Dragon, Street Fighter, Tomb Raider ou encore Mortal Kombat. Et Mortal Kombat, ouais. C'est ça. Ce sont des jeux que tout le monde connaît au moins de nom. Donc, nous pourrons trouver également des baby-foot, des billards, des flippers et en plus un escape game en réalité virtuelle. Mais si ça, c'est pas beau. Mais cette salle de jeu en Norvège, je t'ai posé la question un peu plus tôt, mais on va la reposer au cas où. Est-ce que cette salle de jeu existe vraiment ou est-ce que tu as pris la liberté d'inventer cette salle, bien que ce genre de salle existe réellement, du coup ? Alors, cette salle de jeu existe vraiment. Après, est-ce qu'elle a tous ses jeux ? Je ne suis pas sûre. J'avoue que j'en ai peut-être rajouté un petit peu. Mais c'est mon petit côté nostalgique. Les années 80, c'est toute mon enfance, 90. Et c'est vrai que j'avais envie aussi d'insuffler cette génération dans ce livre. J'avais envie c'est mes petits souvenirs à moi et j'avais envie de leur faire vivre un petit retour en enfance à eux aussi. Et c'est vrai que c'est tous les titres qu'on a cités, c'est vraiment des jeux, des très bons jeux pour Tetris, tout le monde connaît, Mario, tout le monde connaît, le petit plombier, tout le monde connaît. Mortal Kombat, ce jeu bien gore, tout le monde connaît également. Donc, c'est plutôt réussi, je trouve, c'est plutôt sympa. C'était plutôt sympa à lire. Merci. D'ailleurs, une de mes questions précédentes concernait le souffle du bonheur, mais en avançant dans la lecture, je me suis rendu compte que finalement, l'expression « le souffle du bonheur » représente autre chose pour les personnages, une certaine conversation de groupe. Voulais-tu faire, comme un clin d'œil à l'aventure de tes personnages dans cette conversation de groupe ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, d'ailleurs, le nom de cette conversation a été trouvé par Axel, qui en le disant, fait un petit clin d'œil à Jonas, parce que c'est lui qui lui a un peu insufflé ça et qui lui a parlé du souffle du bonheur. Donc, c'est un peu en hommage à ce qu'il a fait pour elle. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi l'appeler comme ça. Et dans le roman, il y a également une balade en traîneau, tirée du coup par des chiens de traîneau. Donc, c'est une petite question. Est-ce que tu en as déjà fait du chien de traîneau ? Alors, oui. J'ai déjà fait du chien de traîneau pendant un séminaire avec mon entreprise pendant 4 jours à Oslo. Et c'est vrai que j'en ai des souvenirs incroyables. Et ces chiens, ils sont majestueux. Et c'est magique. C'est vraiment... Il faut le faire une fois dans sa vie. C'est vrai que ça donnait envie de faire le chien de traîneau, même si, comme je le disais dans cette émission, même si on avait l'impression d'en faire en même temps que les personnages. Malheureusement, on n'avait pas les sensations qui allaient avec. Mais... c'est vrai que ça peut être intéressant à faire. Ah oui, certainement. Ensuite, la fin de l'ouvrage est, ma foi, très surprenante. Je ne vais pas la révéler pour ne pas spoiler, mais j'avoue que je ne m'y attendais pas. Non, promis. Mais j'avoue que je ne m'y attendais pas. Avec cette fin, on comprend le prénom de certains personnages. Il y a quelque part un certain passage de flambeau. Est-ce que c'était ton but ? Alors, mon but, c'était vraiment de montrer que certaines rencontres n'arrivent pas par hasard. Et que, voilà, qu'il y a... Moi, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup aux rencontres des âmes sœurs, etc. Et voilà, j'avais envie de donner une dimension comme ça en disant, voilà, certaines rencontres n'arrivent pas par hasard, certaines personnes passent dans notre vie au bon moment et sont là pour nous. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de faire passer. D'accord. Maintenant, nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, c'est vraiment passé à toute vitesse. Que dire sur cet ouvrage ? Ma foi, Le Souffle du Bonheur est un ouvrage rempli de bonnes ondes, de bonnes vibes. Je suis passé, comme je le disais, par différents sentiments en le lisant. Je me suis attaché à chaque personnage sans prendre en compte les différents mots, donc M-A-U-X, qui les rongeaient. Tous m'ont touché, comme je l'ai dit, j'avais l'impression d'être dans ce voyage avec eux, d'être un des voyageurs. Je me suis vraiment pris dans le livre, imprégné dans l'histoire. Tout ce que je peux dire, c'est que si nos auditrices et nos auditeurs veulent un ouvrage qui fait du bien, foncez lire Le Souffle du Bonheur, qui d'ailleurs va bientôt sortir en brochet. Vous ne le regretterez pas, vraiment, vraiment pas. Donc tout simplement, merci Linda pour cette bouffée de bonnes ondes feel-goodesques, si je peux dire. Merci à toi Christopher, c'était un très bon moment. Et puis j'espère avoir donné aux auditeurs l'envie de découvrir cette histoire. Donc comme tu dis, qui sort en librairie le 24 juin aux éditions Le Mar, donc Le Souffle du Bonheur. Pour moi, c'est vraiment une histoire d'évasion hors du temps et qui fera, je l'espère, rêver et voyager mes lecteurs. J'ai envie de leur dire, plongez dans ce nouveau récit pour un embarquement immédiat et laissez-vous guider au fil des mots au pays du soleil de minuit. Voilà, merci beaucoup. Donc du coup, les petites dernières questions, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé sur ton ouvrage mais qui mériterait absolument de l'être ? Écoute, non, je pense qu'on a bien fait le tour, on a bien détaillé l'ouvrage, donc je ne souhaite pas en dire trop non plus. Il faut leur laisser bien un sûr. Petit peu aussi aux lecteurs la joie de découvrir, donc rien à ajouter. Si nous voulons suivre l'avancée de tes ouvrages, ou tout simplement si on veut te retrouver, comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, sous le nom de Ma Nouvelle Plume. D'accord. Donc, de toute façon, je mettrai tous les liens en podcast de cette émission, certainement lundi prochain, vu que cette émission est enregistrée, je ne vais pas le cacher aux auditeurs, elle est diffusée du coup samedi. Oui. Donc, je mettrai tous les liens en podcast de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh ben, beaucoup de succès et que les lecteurs continuent à aimer mes romans et à ressentir plein d'émotions en le lisant. D'accord. Et est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter ? Non. Merci à tous et puis surtout prenez soin de vous en ces périodes un peu difficiles. C'est vrai, c'est important. Ouais. Donc, pensez à toi. C'est vrai. Ah, justement, en pensant à soi, faut lire du feel good, faut lire Le Souffle du Bonheur. Exactement. Merci Christopher. C'est donc ainsi que se termine cette nouvelle édition déjà de À la rencontre d'auteurs. Je te remercie une nouvelle fois, Linda, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai, si tout va bien, une autre romancière, Virginie Sarah Lou, qui sera là certainement par téléphone pour nous parler de son ouvrage Feel Good. On se prendra encore plein de Feel Good dans le visage le mois prochain avec son ouvrage Et tu m'as offert ton soleil. Et on se retrouve toujours lundi à 14h en direct pour la fête de la musique pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai par téléphone Papillon, chanteur, qui sera là pour nous parler de sa carrière de chanteur. Voilà, ça fait beaucoup, mais c'est très bien, c'est ce qu'on aime. Donc merci encore Linda, et du coup, je dis à très bientôt à nos auditeurs, et à très bientôt du coup Linda. Merci, à bientôt.